Cuisson du pain, de poèmes par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Yasmine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Cuisson du pain. Les servantes faisaient le pain pour les dimanches, avec le meilleur lait, avec le meilleur grain, le front courbé, le coude en pointe hors des manches, la sueur les mouillant et coulant au pétrin. Leurs mains, leurs doigts, leur corps entier fumaient de hâte, leur gorge remuée dans les corsages pleins, leurs deux poings monstrueux pataugeaient dans la pâte et la moulaient en rond comme la chair des seins. Dehors, les grands fournils chauffaient leurs braises rouges, et deux par deux, du bout d'une planche, les gouges, dans le ventre des fours, engouffraient les pains mous, et les flammes, par les gueules s'ouvrant passage, comme une meute énorme et chaude de chiens roux, sautaient en rugissant, leur mordre le visage. Fin de cuisson du pain.